Exactement. D'ailleurs, ce sont les écoles privées qui ont parti le concept de programme sport-études. Oui. Alors, tu aurais une concurrence, et là, il y aurait de l'innovation. On n'a aucune innovation dans l'éducation au Québec. Et là, tu aurais des gens vraiment qui se creusaient à la tête, puis qui se diraient, hey, tu sais, est-ce que je pourrais peut-être ouvrir une école spécialisée pour les gens que... je sais pas, moi, qui ont des déficits d'attention, tu sais. Est-ce que je pourrais... ça marche dans l'alimentation, hein. Je veux dire, il y a personne qui se plaint de notre système d'alimentation, mais pourtant, on a pas un système d'alimentation à deux vitesses ou à trois vitesses. On a un système d'alimentation, une chaîne d'alimentation à je sais pas, moi, 50 vitesses. Il y a des métros Richelieu, il y a des Provigo, il y a des petits dépanneurs, il y a des magasins spécialisés, il y a des boulangeries, il y a des pâtisseries. Tu sais, on ne sait pas ce que ça donnerait un système d'éducation comme ça parce que on n'est pas capable d'imaginer, tu sais, mais si on a confiance dans les Québécois, si on a confiance dans leur esprit d'initiative, dans leur créativité, laissons-les aller. Puis moi, je suis convaincu qu'il va y avoir toutes sortes de choses extraordinaires qui vont arriver. Il faut avoir confiance dans le marché. Il faut avoir confiance dans les Québécois. Mais moi, j'en garde nos enseignants, là, ils n'ont pas besoin de se faire dire par une gang de fonctionnaires à Québec dans le bunker comment enseigner. Ils sont supposés d'être... Ils sont des professionnels. Laissons-leur... arrêtons de leur dire comment enseigner. Les fonctionnaires du ministère ne devraient pas prescrire les méthodes d'enseignement. Ça devrait revenir aux enseignants d'adopter les méthodes qui leur apparaissent les plus efficaces. Et à ce moment-là, y a une école qui va peut-être dire, ben nous, on se spécialise dans le développement des compétences transversales. Ah, ils feront ça. Ils s'essayeront. Avec le succès que ça donnera. Il n'y aura pas un chat qui va y aller. Ouais. Ils vont fermer. Pas de bulletin. Nous autres, on n'a pas de bulletin où le bulletin est vague, c'est spécial, transversal. Oh oui, c'est la méthode, cette école-là. C'est la participation qui est importante. La directrice, c'est une Madame Marois. Puis c'est une main que ça marche. C'est les émotions des enfants. Puis il n'y a quasiment pas de discipline. Puis tout le monde se tutoie. Elle aurait le droit. Moi, je vivrais bien avec ça, là. Elle, c'est son école à elle. On va mettre des fichiers. Il faut que le ministère, quand même, il faut qu'il y ait des normes minimales. Là, à la fois. Oui. Il faut qu'il y ait des normes minimales pour les curriculums puis tout ça, mais puis il faut mesurer aussi il faut avoir des examens nationaux puis des trucs comme oui. ça. Mais si l'école de Mme Marois que je parodiais tantôt là, moi si ses élèves ont les meilleures notes aux examens nationaux, mais savez-vous quoi, même si je trouve ça niaiseux, c'est une réforme en laquelle je crois pas là, mais peut-être bien que m'envoyer mes enfants là, si je vois que ça marche, me reconnaître que c'est moi qui est dans le champ, ils pètent des scores aux examens nationaux. Fait que, moi, je pense que ça prend des balises minimum, comme vous le dites, mais laissons-les aller, puis d'autres vont se... Il y a peut-être des écoles qui vont dire, ben, nous autres, chez nous, c'est le vouvoiement partout, puis sur la discipline, on est plus sévère, on bat personne, là, évidemment, mais c'est plus sévère. Si ça marche pas, on émet dehors, puis etc., puis chacun va... Puis le parent, comme vous dites, va décider selon ses valeurs. Puis là, ben, on a des examens du ministère, puis les résultats sont connus de tout le monde. Oui. Alors, s'il y a des parents qui disent, écoute, moi, là, les résultats du... Les états humains du ministère, ça me dérange pas, puis je vais aller envoyer mon enfant à telle école qui est la 453e au Québec. Ben, c'est son choix. C'est son choix. Mais ce concept-là de compétition, ça se trouve même dans les syndicats. Moi, je pense que les syndicats, quand on pense à un syndicat, c'est quoi? C'est une organisation qui est là pour aider les travailleurs à négocier des conventions collectives avec l'employeur. T'sais. C'est comme un agent, finalement. Tu es un joueur de hockey, tu engages un agent, tu peux pas négocier toi-même avec le directeur général, tu engages un agent. Mais encore une fois, au Québec, on a créé des monopoles avec des adhésions syndicales obligatoires, des cotisations syndicales obligatoires. Alors, les syndicats, ils sont pas motivés à s'occuper de leurs clients parce que leurs clients sont entre guillemets pognés, tu sais, ils ont pas le choix. Souvent ils sont, si t'es un fonctionnaire par exemple, t'as pas le droit de choisir ton syndicat. Il y a un syndicat pour tout le monde à titre. Et donc il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués en leur permettant par exemple de choisir leur adhésion, d'assurer un libre choix dans l'adhésion syndicale. Ça veut dire que moi, exemple, mettons qu'il y aura un syndicat ici à Cogeco FM 93, j'aurai le choix. En début d'année, je sais que je suis syndiqué, mais là, j'ai le choix entre la FTQ, la CSN, puis un autre syndicat que je vais appeler X. que lui, ce syndicat-là, il fait aucune politique. Lui, dis-moi, mes cotisations syndicales sont moins élevées parce que je paye pas d'amende pour des carrés rouges, je paye pas d'autobus, je fais juste te défendre devant ton boss. Le reste, je fais pas de politique. Savez-vous quoi? Moi, je choisirais ce syndicat-là. Si un autre décide que lui, il aime ça, la CSN, de la politique, pis ça lui dérange pas de payer, ben, il syndique à CSN. J'ai-tu bien compris? Ben, si on fait confiance aux Québécois, moi je fais confiance aux travailleurs québécois, oui. Ils choisiront ce qu'ils veulent. L'autre façon de le voir, M. Bouchard, c'est peut-être de dire, bon, peut-être que oui, étant donné que on veut peut-être que tout le monde soit couvert par la convention collective, là, peut-être qu'on dit, OK, on va s'assurer que le syndicat est financé de façon adéquate pour négocier la convention collective. Alors ça, mettons que c'est, je sais pas moi, 1% du salaire du travailleur. Et si jamais le syndicat veut en avoir plus, ben là, peut-être que ça pourrait être simplement volontaire. T'sais, alors, au début de chaque année, tu dirais à ton employeur, écoute, minimum, OK, il y a 1% qui va au syndicat. Puis moi, je coche une petite case sur une feuille de papier que je donne à mon employeur, puis je dis, moi, je vais donner un autre 2% à mon syndicat parce que je trouve qu'il fait une bonne job pour aider les étudiants à faire des manifestations sur la Grande Allée ou des choses comme ça. Alors, donnons plus de pouvoir aux employés pour qu'ils puissent vraiment avoir le choix de leur organisation syndicale. Prends par exemple là, les agriculteurs. Ben, l'Union des producteurs agricoles, là, ils ont été comme élus une première fois là il y a 42 ans. Il n'y a pas eu un seul vote depuis ce temps-là. C'est pire qu'Hosni Moubarak en Égypte. Là. Je veux dire, ils sont là depuis 40 ans. Ouais. Il n'y a eu aucun vote refait pour voir si est-ce que c'est vraiment l'Union des producteurs agricoles que les agriculteurs veulent avoir comme agent, tu sais. Alors donc, ces monopoles syndicaux-là, moi je suis en faveur du droit d'association des travailleurs. C'est un droit fondamental, c'est un droit important, mais il faut donner le droit aux travailleurs non seulement de s'associer, mais aussi de ne pas s'associer s'il veut pas le faire. Et il faut lui donner plus d'outils pour contrôler. Alors, par exemple, il faut que les travailleurs puissent savoir où est dépensé leur argent. Ouais. Et aujourd'hui, les syndicats sont essaye donc d'avoir, toi, les états financiers d'un syndicat, c'est très, très, très difficile. Puis si jamais on finit par te les donner, tu vas être blackballé dans le syndicat. Alors, donc, il faut vraiment permettre aux employés syndiqués d'avoir plus de contrôle. Puis c'est vrai dans un peu... Tout, les garderies, c'est la même chose. On pourrait redonner là aussi le pouvoir, c'est ça, confiance. Dans le fond, je retiens de faire confiance aux Québécois, leur donner la liberté de choisir et la liberté de prospérer également, de faire ses choix, puis de pas avoir peur de mettre les gens en concurrence, de leur donner des défis, de les comparer entre eux. Mais ça, là, je sais pas que vous vous rendez compte, moi, ça, j'appelle ça une révolution. Ben, parce que c'est révolutionnaire. Ils appellent des conservateurs. Ils disent qu'on est des conservateurs, mais on n'est pas des conservateurs. Mmh. Les gens qui sont vraiment les conservateurs, ce sont les gens qui ont fait la Révolution tranquille en 1960 et eux qui autres, ont toutes sortes de privilèges, puis de bonbons, puis de monopoles. Mais changez votre nom, là. Honnêtement, il faudrait que vous changiez votre nom. Non, je suis sérieux, il faudrait que ça soit plus renouveau, qu'il y ait le mot nouveau, ou je sais pas, liberté, confiance, je sais pas. Mais en vous appelant Parti conservateur, d'abord, les gens vont confondre un peu avec Ottawa. Et deuxièmement, vous avez raison, conservateur, le mot représente pas votre discours du tout. C'est un discours de changement, de renouveau. Remarque, là, le nom, c'est tel que tel. Là. Je sais bien que c'est pas ça qui va faire la différence, mais bon, moi, j'irais avec un autre nom, par exemple. Il y a d'autres aspects où je dirais qu'on est, si on est plus dans le sens conservateur, entre guillemets. C'est, par exemple, prenons le... Il y a des choses que l'État doit faire. Moi, je propose pas de démanteler l'État. Je pense qu'il y a des choses que l'État fait qu'il devrait pas faire. Là. Il y a bien des affaires qui font et qu'on pourrait laisser tomber. Mais il y a des choses qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas correctement et il est mal financé pour le faire. Puis je pense à la justice. Moi, s'il y a bien une mission essentielle à l'État, c'est la justice. T'sais, je veux dire, ça fait partie des missions principales de l'État, là, de protéger les droits et libertés individuelles, puis d'administrer la justice civile, criminelle, pénale. Et je suis un peu découragé de voir comment est-ce que cette mission fondamentale-là de l'État a été un peu bafouée. T'sais, je veux dire, quand il faut couper à quelque part, on coupe dans le ministère de la Justice, dans la sécurité publique. Et donc, là, ça rejoint c'est... plus conservateur un peu. Hey, monsieur Pouliot, prochaine entrevue, on se parle de justice. Ah, promis, ben, parce que là, il faut que j'ai mon temps, mais on va se reparler, promis. Merci beaucoup merci. D'avoir été là ce matin. Ben, ça fait, merci. Bonne ça journée. Fait bien plaisir, au revoir. Bye bye. Bonne journée. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. À date, je vote pour lui. Ben. Sérieux. Mais ça nous rejoint carrément dans la plein. Façon de voir parce ça. Parce que là, je viens d'imaginer un autre Québec, là. Tu te lèves le matin, tu t'en vas à l'hôpital, t'es pas perçu comme une dépense. Tes enfants vont à l'école, c'est toi qui décides de l'école. On te donne l'argent. Tu décides même de ton syndicat. Tu décides de plein de choses. Moi, je veux vivre dans un Québec demain. En passant, il veut se présenter soit à Québec ou en Beauce. Go. Mais il faut en parler un peu, là. Et vous aimez ça, studio? J'aimerais savoir quelques feedbacks, là. Vous m'en donnez assez souvent, là. Mais studio à commercialfm93.com. Puis moi, je fais un meilleur coup de pas, José. M'aperçois qu'à chaque fois que je parle de santé, quand je vous parle de santé, là, c'est pour vous dire à quel point vous attendez, à quel point les équipements sont désuets, à quel point, je pense que je vous tanne un peu avec ça, là. Je pense qu'on le sait, on l'a vu, la tumeur, le cancer. Quand je vous parle d'école, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'ortho, que les classes sont surpeuplées, puis que les profs sont en burn-out. Je pense que vous commencez à le savoir, hein. Avez-vous le goût d'entendre d'autres choses? J'aime ça, matin, ce qu'on a fait. On est en retard, on est dans la marche jusqu'à 10 heures, je m'en fous, là. Je l'assume, puis bon, je sais que vous allez me suivre, vous allez patienter un peu, on a une pause qui sera peut-être pas courte tantôt, là. On a déjà d'ailleurs une auditrice qui dit qu'on devrait le réinviter plus souvent. Sa façon de voir la province est rafraîchissante et responsabilisante pour les électeurs. Du nouveau, hein, mais juste le fait que c'est nouveau, que vous soyez d'accord ou pas, là, on vient de débattre, il arrive avec de quoi, j'ai donné aucune stats d'urgence, de tant de temps avant de se faire opérer, tant de profs burn-out. Solution. Voici les écoles, à quoi ça pourrait ressembler. Les hôpitaux, c'est de même partout en Europe. Bon, et voici, j'aime ça. Faut qu'on le fasse plus souvent, José. Oui. Aide-moi, là. C'est oui. Que tu, oui. Note-les plus souvent. Parlez à lui ou d'autres de nouvelles idées. Aimez-vous ça? Studio à commercial FM93.com. Donnez-moi une petite pause, un petit break. On revient après, promis.